Et ben des rap, shit up, everybody get up. Je vais charger le famas et éteindre toutes tes petites clopes. Ceux qui ont parlé mais n'ont jamais rien fait. Ça peut t'arriver, je dis la vérité. Quelqu'un a osé, tout le monde a frigé. Le max ça l'a kiffé dans le haram, ça l'a promotionné. La lumière s'allume quand tout s'éteint. Tu loues affamé, cagoulé et sans frein. Les coups bousillés, je vois les bâtards qui veulent me usiller. Qui veulent me fusiller. Les phrases tu les connais, je vois le gros bonnet. Le famas est chargé, sur le deuxième coupé. Chine à tous votre décès. On veut tous vendre des CD, vous pouvez tous lâcher, vous pouvez tous parler, mais jamais vous me baiserez. Moi je vous le dis d'entrée, je viens tout charger, je viens tout piller. C'est terminé, nous on cherche la monnaie. Priez, on veut se faire pardonner. Tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. C'est terminé, nous on cherche la monnaie. Priez, on veut se faire pardonner. Tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. Lancé, la bombe est amorcée. Casman et Famas, rien peut nous stopper. On débarque, on arnaque, on fracasse. On te braque, on nique tout sur l'instru. J'ai la rage. N'oublie pas que dans le trait ça traîne en bandité. Dédicace à NRV qui est là pour m'épauler. Fuck les jaloux, c'est que magique à tous les fous. De la rose au centre-ville, je te jure ça vaut le détour. Ne parle pas avec nous, car nous on rend les coups. 13 000 13 000 13 dans la merde jusqu'au cou. On retrouve la case départ pour les frères au placard. Avec des enfants en passage qui soutiennent la maman. J'ai conclu un pacte avec la rue. Elle m'a dit, consacre-moi ta vie, affronte tous tes soucis. La rage dans les yeux, le regard ténébreux. La force dans les poings, le mental comme le feu. Déterminé, nous on cherche la monnaie. Priez, on veut se faire pardonner. Tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. Déterminé, nous on cherche la monnaie. Priez, on veut se faire pardonner. Tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. F-A-M-A-E. Ok, Famas, Casman, j'annonce mon maxi. Fais tourner à tous tes potes, à tous les mecs en chien dans un bloc, à ceux qui volent des femmes, ou bien qui braquent la poste. Déterminé, nous on cherche la monnaie. Priez, on veut se faire pardonner. Tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. Déterminé, nous on cherche la monnaie. Pardonnez, tassement les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe.